Chaque jour dans ma tête, j'ai des visions macabres. Les hommes se tuent pour Dieu, ne serait-ce pas le vœu du diable. Chaque jour c'est l'escalade sur la montagne de la connerie. Chacun veut jouer les braves, l'atmosphère est crade. Ça sent le soufre et l'acide. Trop stupide, trop cupide, c'est une course vers le suicide. Infanticide, génocide, le revers de la médaille. Ça mitraille et ça taille pour quelques liasses, pour quelques rails. Les gosses ont la dalle, dehors ça caille, la tension monte. Ça schnitz pour une montre, pendant que les pontes fument leur commande. Trop le monde, avec leurs bonnes intentions. Vois depuis ma fenêtre nous raser comme des moutons. Le bâton, la carotte et le cul, la cuisinière. La main sur le cœur, tu diffuses dans les artères. Gardez vos bonnes paroles, j'irai cracher sur vos tombes. Du fond de votre cercueil, vous entendrez le chant des bombes. Chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête. Macabre. Pas besoin de voir l'avenir car le présent se dégrade. Paname devient Belgrade. Les jeunes sont exclus, tu pars pas, ils n'ont pas la dalle mais veulent crailler. La daronne pas au foyer. Non, maman se fait sodomiser pour payer son loyer. Il sera fier de son fiston, lui trouvera un piston afin que le jeune homme esquive la casse-prison. Le daron est un bâtard qui s'est barré avec la tôlière du quartier. Ma réalité vient chla, c'est ta fiction. Sarcelle, malédiction. Nous sommes des bagnards et personne paiera notre caution. Tombé, assassine, assieds-toi ou assiste-moi. Car je fais de ma vie une légende dont tout le monde parlera. Je reste gangsta, mon rap assimilé Al-Qaïda. J'ai la beubare en barbelé, deux couilles en forme de grenade et goupillé. Autant vous dire, je suis voilier, cavalier de la lame blanche. C'est une guerre que je déclenche. Je suis le 13ème à faute, avec Faeco, nous disons à la vôtre. Faire des ragots pour les rafaux, pas de peine pour les raclos. J'ai une vision un peu macabre et un baptême pour les gaffos. Des câbles thèmes pour les chapeaux, coup de la main drame dans le gabot. La France est responsable de ses actes, les noms sur le tempo. Le tape, très souvent ça joue les grands, j'avoue. Mais les jaloux se disent, voyous, voyons, se mange encore des tapes. Te rate, toi, t'éclates, toi, te mate encore pédale, quoi. T'emballes pas, déballes, quoi, ça parle encore tes tapes, toi. Mais ce fuck, ça dort ta rue, Pélec, je te mets en garde à vue. Les chars, les patates qui sucent dehors se baisent en garde à vue. On veut nous faire terre, face à laser, lutte constamment. Tout ça pour faire clair le système d'une nouvelle ère. Puis se fondre dans le décor. Ne pas confondre, morfondre, d'accord. S'effondre tous les accords. Comme elle tombe, attendre la mort. Afin que tombe dans l'ombre, tous ces bâtards incombent. Je plombe, succombe, sans combe. Vers l'hécatombe, les bombes retombent. Chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête. J'ai une vision un peu macabre. Chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête. Donc j'ai une vision un peu macabre et un baptême pour les gars. Chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête. J'ai une vision un peu macabre. Chaque jour dans ma tête, chaque jour dans ma tête. Donc j'ai une vision un peu macabre et un baptême pour les gars.